beaucoup dans ce monde un peu fou. M'en veux pas, ne ris pas, je suis comme une enfant. Parle-moi, parle-moi doucement. Silence me fait peur, je n'entends plus que mon cœur. T'en vas pas, bouge pas, je suis comme un enfant. Parle-moi, parle-moi, c'est toi qui me défends. Siècle de toujours, mal d'amitié, mal d'amour. M'en veux pas, ne ris pas, je suis femme et enfant. Parle-moi, parle-moi, c'est toi seul que j'entends. M'en veux pas, ne ris pas, je suis fou.